Alors, et c'est toi, Maurice, qui dis top chrono pour éviter toute contestation. T'es prêt, Gégé? Bah, oui. On y va. Alors, top chrono. Une idée, Gégé?